Section 7. Chapitre 7. Cette réponse de Charlotte inquiéta vivement M. de la Hérodière. Mieux qu'un aveu formel, en effet, elle lui apprenait quels étaient les sentiments de sa fille. Elle aimait Georges, et l'entretien qu'il avait eu avec elle pour lui démontrer que Georges n'était pas digne de devenir son mari n'avait produit aucun résultat. Elle l'aimait à ce moment, elle l'aimerait encore le jour où il faudrait trancher définitivement la question. Alors, que se passerait-il? Aurait-il la force nécessaire pour s'opposer à ce mariage? Ou bien serait-il assez faible pour se laisser arracher son consentement? S'il résistait, il aurait le chagrin de voir les larmes et le désespoir de sa fille. S'il cédait, il aurait le remords d'avoir préparé son malheur pour un jour ou l'autre. Ce fut alors qu'il se repentit cruellement d'avoir été faible autrefois avec sa femme. Que n'avait-il à cette époque maintenu ferme ses droits de père de famille? Mais il avait voulu la tranquillité, et pour s'assurer la liberté de son travail dans le présent, il avait compromis le bonheur de sa fille dans l'avenir. Déjà, quand Madame de la Hérodière avait préparé ce projet de mariage, il avait de justes motifs de suspicion contre Georges et de sérieux reproches à faire valoir contre lui. Pourquoi n'avait-il pas parlé haut? Pourquoi, de guerre lasse, avait-il inventé cette condition suspensive qui, en réalité, n'avait rien suspendu du tout? Son consentement était resté libre, mais ce n'était pas son consentement qui devait rester libre, c'était le cœur de Charlotte. Vivant près de son cousin, ayant le droit jusqu'à un certain point de se considérer comme sa fiancée, pouvant croire qu'un mariage entre lui et elle était arrangé par ses parents, elle l'avait aimé. Quoi de plus naturel et de plus légitime? Ce n'était point elle qu'on devait rendre responsable de cet amour, mais seulement ceux qui avaient permis qu'il se développât. Et parmi ceux-là, le plus coupable, c'était lui-même, car tandis que sa femme voyait Georges Saffarel avec des yeux aveuglés ou tout au moins prévenus, lui le jugeait tel qu'il était déjà, et pressentait surtout ce qu'il serait un jour. Pour un homme scrupuleux, cette responsabilité était déjà par elle-même assez lourde à porter. Les circonstances, cependant, vinrent l'aggraver encore et en rendre le poids plus pénible. Monsieur de la Hérodière avait espéré qu'après sa lettre de refus au préfet, il n'entendrait plus parler de Monsieur de Rosnoblet et que l'officier de marine, en lisant ce refus qui était parfaitement catégorique, comprendrait qu'il devait renoncer à son projet. Il n'en fut rien. Le préfet revint à la charge et en manœuvrant adroitement, il obligea Monsieur de la Hérodière à se rencontrer avec Monsieur de Rosnoblet. Jugeant l'officier sur sa demande bien plus que sur le portrait esquissé par le préfet, M. de la Hérodière avait cru que c'était un original de peu de cervelle. Il fut tout surpris de reconnaître que pour ce portrait, le préfet n'avait nullement exagéré les qualités de son modèle. Après une heure d'entretien, il fut convaincu qu'il avait devant lui un homme de cœur, et en l'écoutant plaider sa cause, il ne put s'empêcher de le plaindre. Mais que pouvait-il, si ce n'est lui répéter ce qu'il avait écrit au préfet. Sa fille ne voulait pas se marier. « Eh bien, monsieur, répliqua l'officier, j'attendrai. Je comprends parfaitement qu'un sentiment tel que le mien, et qui n'est né que depuis quelques jours, vous paraisse peu sérieux. Je vous jure cependant que dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, je vous renouvellerai la demande que je viens de vous adresser. » Monsieur de la Hérodière n'était assurément pas d'un caractère romanesque, et l'amour n'avait jamais tenu une bien grande place dans sa vie. Cependant, il se sentit troublé par ces paroles et plus encore par l'accent passionné avec lequel elles avaient été dites. Et en revenant à la crique, il ne put s'empêcher de comparer M. de Rosnoblet à Georges Saffarel. Quelle différence entre ces deux hommes! L'un à la mine futée et aux yeux inquiets, l'autre au visage ouvert sur lequel se lisaient tous les nobles instincts. L'un à la parole habile, étudiée, insinuante, l'autre d'une franchise dans ses discours qui allait parfois jusqu'à la naïveté, l'un qu'on connaissait après avoir passé 1 heure avec lui, l'autre qu'on ne pouvait pénétrer après l'avoir étudié pendant plusieurs années. Pourquoi le marin n'était-il pas son neveu? Ou plutôt, pourquoi avait-il commis la faute de se laisser arracher un engagement au profit de Georges? Il est vrai qu'alors même qu'il eût été libre de tout engagement, il n'eût pas accordé son consentement à une demande telle que celle de M. de Rosnoblet. Mais, enfin, au lieu d'opposer à cette demande un refus formel, il eut ajourné sa réponse, Il eut pris le temps d'étudier l'officier, et en fin de compte, il eût peut-être été possible de donner pour mari à Charlotte un homme qui, malgré l'étrangeté de sa démarche, se montrait au premier abord avec des côtés extrêmement sympathiques. Ce n'était pas le premier mariage qui se présentait ainsi pour Charlotte. Il avait fallu les repousser tous, même ceux qui paraissaient les plus avantageux. Combien d'autres se présenteraient encore avant le mois de septembre qu'il faudrait repousser aussi. Rentré à la crique, il ne crut pas devoir raconter à Charlotte cette nouvelle tentative de M. de Rosnoblet. À quoi bon ? Le seul résultat certain serait d'en arriver à parler de Georges, et il tenait essentiellement à éviter tout ce qui pouvait les entraîner sur ce sujet. Charlotte, d'ailleurs, observait de son côté la même retenue, et les choses en vinrent à ce point que le nom de Georges ne fut même plus prononcé entre eux. À s'en tenir à l'apparence des choses, c'était à croire qu'il était mort et pour tous deux profondément oublié, tandis qu'en réalité, il n'avait jamais si souvent occupé leur esprit. Au reste, si attentifs qu'ils fussent à vouloir s'enfermer strictement dans cette réserve, ils n'arrivaient pas à se tromper l'un l'autre. Le père devinait les agitations qui troublaient le cœur de sa fille, et celle-ci ressentait les inquiétudes qui traversaient l'esprit de son père. Les efforts même qu'il faisait pour s'observer les trahissaient. En effet, avant le dernier voyage de M. de la Hérodière à Paris, le nom de Georges se présentait à chaque instant dans la conversation, à tout propos, et souvent même sans aucun à propos. Cela arrivait surtout à l'occasion de la lecture des journaux. « J'ai vu que Georges a plaidé dans une affaire politique, » commençait Charlotte. « Et que dit-on de lui ?» demandait M. de la Hérodière, qui avait pour habitude de ne lire les journaux que le soir, dans son lit, quand il n'avait plus rien à faire et que son esprit était fatigué par le travail de la journée. L'entretien, ainsi engagé, allait son train. Un mot en amenait un autre, et Georges restait sur le tapis tout autant de temps que Charlotte voulait l'y tenir. Mais après ce voyage, il fut d'autant moins question des journaux entre le père et la fille qu'il parlait plus souvent de M. Safarel. C'était en effet le moment où les procès politiques sévissaient comme une véritable épidémie sur la France entière. Le réveil de l'opinion publique, commencé depuis quelques années, allait s'accentuant de mois en mois, et le gouvernement, pour arrêter ce mouvement, ne trouvait rien de mieux que d'appeler à son aide la main de la magistrature. Procès de presse, procès contre les associations et les sociétés plus ou moins secrètes, procès pour manœuvres à l'intérieur, où on en inventait de toutes sortes. Dans cette bataille, Georges Safarel se montrait au premier rang. Il plaidait aux quatre coins de la France. Les journaux qu'il défendait lui payaient ses honoraires en réclame que reproduisaient naturellement tous les journaux du parti. Et comme il avait d'autres préoccupations que de faire acquitter ses clients, ce qui était le petit côté de l'affaire, il plaidait surtout pour lui-même, c'est-à-dire pour sa réputation qui grandissait rapidement. Bien entendu, M. de la Hérodière lisait le compte-rendu de ses procès. Et bien entendu aussi, Charlotte le lisait de son côté. Mais ils n'en parlaient jamais, et tous deux cachaient avec soin les impressions que cette lecture produisait en eux. Cette contrainte devint bientôt très pénible pour M. de la Hérodière, et les 6 mois qui s'écoulèrent de février en septembre furent pour lui les plus douloureux de ces dernières années. Pendant longtemps, il avait vécu sans liberté, n'ayant pas le droit d'avoir un sentiment sur les choses de ce monde, ou tout au moins ne pouvant pas l'exprimer sans s'assurer à l'avance si ce sentiment ne contrariait pas les idées de sa femme. Avec sa fille, il avait retrouvé la liberté de sa jeunesse. Avec elle, il avait pu parler de toutes choses, à cœur ouvert. Et maintenant, il était obligé, comme autrefois, de chercher des sujets de conversation qui ne fussent pas dangereux. Il lui fallait s'observer, prendre des précautions. Maintenant, cette douce intimité de tous les instants qu'il avait rendu si heureux depuis qu'il était installé à la crique était détruite. Plus d'abandon, plus de franchise, ils étaient en défiance l'un de l'autre. Peu à peu, cependant, les mois s'écoulèrent et le moment des vacances arriva. Georges allait venir à la crique. La lutte allait s'engager, la bataille décisive allait se livrer. Quel en serait le résultat? Que s'était-il passé dans l'esprit de Charlotte pendant ces 6 mois? Quelles avaient été ses réflexions? À quelle décision s'était-elle arrêtée? Au moins, était-elle en état d'en prendre une maintenant en toute liberté, sans se laisser dominer par les entraînements du cœur. À mesure que l'époque des vacances approchait, elle se montrait malgré elle impatiente et nerveuse, et c'était là un symptôme inquiétant. En même temps, dans mille petites choses, elle laissait voir que Georges occupait sans cesse son esprit. Elle faisait préparer sa chambre avec un soin qui allait jusqu'à la coquetterie. Chaque jour, elle s'inquiétait de savoir si la pourriture ne menaçait pas d'envahir des groseilliers qu'elle avait fait empailler, parce que Georges aimait beaucoup les groseilles, qui au mois de septembre sont d'ordinairement passées. Enfin, elle allait tous les matins au-devant du facteur, au lieu d'attendre, comme d'habitude, qu'il vînt apporter à la cuisine ses lettres et boire un coup. Tout cela n'était pas trop significatif, mais ce qui le fut plus encore, ce fut de voir son désappointement quand la lettre qu'elle attendait avec une si vive impatience annonça que Georges, au lieu de venir le 1er septembre, comme il l'avait promis, n'arriverait que le 3. « Qui enverrons-nous au-devant de Georges ? » demanda-t-elle pour cacher son émotion. Monsieur de la Hérodière fut attendri par cette voix tremblante et la pitié l'entraîna. « Envoyez ? » dit-il. « Pas du tout. Nous irons nous-mêmes, toi et moi, si tu veux. Le 3, c'est lundi prochain. » Fin de la section 7.